Autant n'emporte l'histoire, c'est fini pour ce soir. Cette émission qui était en nouvelle diffusion, vous pouvez la réécouter, la podcaster sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, 1er mai, nous parlerons de Jenny Marx, l'épouse de Karl Marx, une épouse et mère de famille, restée longtemps dans l'ombre du célèbre penseur du socialisme, une femme follement amoureuse qui avec lui connaîtra la déchéance sociale, la misère et sera sacrifiée sur l'autel du capital. Jenny Marx, l'épouse du diable, c'est dimanche prochain dans Autant n'emporte l'histoire.